L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. Troisième épisode. Good morning, Mr. Rossman. Good morning, miss. Have you had your breakfast already? Yes, indeed. I have had the breakfast. Pas d'article. Tu vois comment ta visite cause des contretemps. Je suis désolé, mais je peux me préparer rapidement. Ne vous embêtez pas, Karl. Vous ne me causez aucun contretemps. Tu vas manquer le manège demain. Il faudra te décommander. Mais Clara, ma fille, l'attend déjà ce soir. Et elle a une certaine priorité sur Mac, n'est-ce pas, Jacob? Pas question. Il n'a pas le droit d'interrompre ses études. Maintenant, il lui faut de la rigueur. La maison de campagne. Enfin, on arrive. Enfin, Mr. Jacob est arrivé. Rossman. C'est le neveu de Jacob, mais il s'appelle Rossman, pas Jacob. Papa, son nom m'est complètement égal. Ça ne change en rien ma joie de le recevoir chez nous. Vous êtes bien Mademoiselle Clara? Oui, mais je refuse de me présenter dans cette obscurité. Rentrons. Nous avons un invité inattendu ce soir. Mr. Green. Green? Ah non, une mauvaise nouvelle. Green, et que fait-il ici? Et pourquoi précisément ce soir? Il va peut-être bientôt repartir? Non, il a certainement une affaire importante à discuter avec papa. Donc, la soirée est gâchée d'avance. C'est le désavantage d'habiter si près de New York. On est toujours dérangé. Il faudra qu'on s'installe plus loin. Même si cela veut dire que je dois passer une bonne partie de la nuit pour rentrer en voiture. J'aurais envie de vous ramener tout de suite chez votre oncle, Rossman. Mais qui sait quand il vous permettra de revenir ici? Mais papa, ça fait longtemps que Mr. Green ne nous a pas rendu visite. En plus, Carl et moi, nous ne sommes pas du tout dérangés par la présence de Mr. Green. Après le dîner, nous nous retirerons tous les deux dans mes appartements pendant que papa s'occupera de Green. Une fois là-haut, vous jouerez du piano pour moi. Papa m'a raconté que vous êtes très très fort, tandis que moi je ne sais malheureusement jouer d'aucun instrument. Voilà ce qui nous attend. Ton repas est une vraie réussite, ma chérie. C'est délicieux. Merci, papa. Je suis étonné, Rossman, que votre oncle vous ait donné la permission de venir ici ce soir. Votre oncle n'a de considération que pour votre bien-être, votre éducation, votre avenir. La façon qu'il a de veiller sur vous dépasse les bornes d'un simple lien de parenté. Son amour pour vous est beaucoup plus que cela. Mais de quoi il se mêle, ce Green? Pour vous dire la vérité, je n'avais pas l'intention de venir ici ce soir. Mais l'urgence de l'affaire m'y a contraint. Regarde comment sa langue joue avec la nourriture dans sa bouche. Cela donne la nausée. Excusez-moi, mais je crois que je vais devoir prendre congé. Restez assis encore un peu. Nous allons bientôt monter tous les deux. Rossman, vous ne mangez rien? Je vais raconter demain au sénateur, votre cher oncle, comment vous avez insulté Mademoiselle Clara en refusant de manger son repas. Regardez-moi, cette pauvre petite fille, toute triste à cause de votre comportement. Et Polander dans tout ça? Il laisse le vieux Green tripoter et offenser sa fille et te traiter comme un pauvre petit garçon? Toi, son invité du soir? Voilà. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Watson. Et voilà Polander et Green qui parlent de business, cigare à la bouche, pendant que la fille boit leurs paroles. Elle est pas mal pourtant. Elle ne me plaît pas, la petite américaine, avec des yeux pareils. Est-ce que tu as jamais vu une jupe aussi serrée que celle qu'elle porte? Bientôt tu vas pouvoir monter avec elle dans ses appartements, Rossman. Toutefois, Rossman, quoi? Si je pouvais ouvrir la porte, sortir sans être vu, monter dans la limousine, ou si, comme je le pense, le chauffeur dort déjà, partir à pied pour New York. Pourquoi faire? Rentrer chez moi, surprendre mon oncle dans sa chemise de nuit et lui dire « Me voilà, oncle Jacob, avant même l'échéance de demain matin. » Ensuite, pour la première fois, je prendrai le petit déjeuner avec lui dans sa chambre, lui toujours dans son lit, moi assis sur une chaise à côté. Et peut-être ce petit déjeuner commun deviendrait-il désormais une habitude. Puis avec le temps, cette visite fâcheuse chez Polander serait oubliée. J'espère que mon oncle dans son lit a ce soir des sentiments semblables aux miens. Compliqué, mon vieux. Bah alors, vous parlez tout seul ? De toute évidence, vous ne vous plaisez pas chez nous. Bon, allez, venez avec moi. Je vais faire un dernier essai. Attention, l'électricité n'est pas encore installée partout. C'est une vieille maison dotée d'une architecture étrange. Il y a donc des vieilles maisons d'Amérique ? Bien sûr. Vous avez des idées bizarres sur l'Amérique. Voici votre chambre. Merci. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous restez ici ? Ou bien vous venez avec moi dans ma chambre ? Oh ! Un peu plus et je passais par la fenêtre. Ah bah dommage ! J'ai raté mon coup ! Pourquoi vous êtes aussi désagréable ? Je devrais vraiment vous faire passer par la fenêtre ! Qu'est-ce que vous faites là chez moi ? Mais vous me faites mal ! Vous me tordez le bras ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi et je vous donnerai quelque chose de très joli ! De toute façon, je vous serrais pas très fort. Et maintenant, elle a son corps collé contre le tien. Mais fais bien attention, Carl. Tu sens sa force monter ? Elle est sans doute capable de retourner la situation. Alors bouge si tu peux. Te voilà coincé sur le canapé. Cela te vaut le tutoiement d'un seul coup. Espèce de chatte folle. Hé, hey, attention à ce que tu dis. Lâche-moi. Au contraire, pour te punir, ouais, je pourrais te gifler. Je pourrais continuer à te gifler. Et puis, je te renverrai chez toi pour t'apprendre comment il est bon de se comporter avec une vraie dame. Ouais, ça te rendrait service pour la vie. J'ai pitié pour toi, même si tu es un joli garçon. Tu aurais dû apprendre le jiu-jitsu, comme moi. Ah, comme j'ai envie de te gifler. Et si je le fais, je ne me contenterai pas d'une seule gifle. Ah non, je te giflerai de gauche à droite et de droite à gauche, jusqu'à ce que tes joues s'enflamment. Dans ce cas, si tu es un homme d'honneur, tu ne pourras plus vivre avec la honte d'avoir été giflé. Et il te faudra mettre fin à tes jours. Et tout ça pourquoi ? Parce que je te plais pas et que tu refuses de me suivre dans ma chambre. Mais attention, si jamais tu sors d'ici, tâche de mieux te comporter à l'avenir. Tu peux peut-être défier ton oncle, mais pas moi. Et surtout, ne va pas croire que tu vas t'en tirer à si bon compte avec cette affaire d'honneur. Je me demande ce que va dire ton ami Mac quand je lui raconterai tout ça. Mac ? Tu bouges pas ? Tu persistes à faire ta mauvaise tête ? Bon, je m'en vais. Je te laisse seule ici. Peut-être que tout à l'heure, tu auras envie de venir me retrouver dans ma chambre. Si tu le fais, il te faudra passer 3 portes. La mienne, c'est la 4e. Je redescendrai pas. Tu m'as tellement fatiguée, je vais rester chez moi. Je vais pas passer mon temps à t'attendre, mais si tu veux venir, viens. N'oublie pas que tu as promis de jouer pour moi du piano. Mais peut-être que je t'ai complètement épuisée, que tu es incapable de bouger, alors tu peux rester dans ta chambre. En tout cas, je ne raconterai pas à mon père comment tu m'as traitée. Où vas-tu, Rossmann, dans cette obscurité ? Chez la fille ? Non, je descends trouver Monsieur Polander. Je vais lui raconter tout ce qui s'est passé et lui demander de m'indiquer l'hôtel le plus proche. Mais pourquoi ? Je ne pense pas avoir été invité ce soir pour disputer un match de lutte, durant lequel j'ai été humilié par une fille formée au jiu-jitsu. C'est sans doute mon ami Mac qui lui a donné des leçons. Sans doute. Il faut que tu lui demandes de te donner des leçons pour que la prochaine fois, tu puisses lui flanquer une dérouillée sur ce même canapé où elle t'a giflé ce soir. Pas d'électricité. Tu ne vois presque rien. Je vois que cette maison est immense. Chambre après chambre, couloir qui donne sur d'autres couloirs. Plutôt une citadelle qu'une villa. Des chambres vides partout. Ton oncle t'a raconté que dans les quartiers de l'Est de New York, il y a plusieurs familles qui habitent dans une seule pièce. Oui, de la Lower East Side. Qui êtes-vous ? Un invité ? Et vous ? Un serviteur. Pourquoi de tels courants d'air partout dans cette maison ? Les travaux ne sont pas terminés. Les ouvriers sont en grève. Des murs ont été abattus et il n'y a plus personne pour reboucher ces ouvertures. Mr. Mac ne peut rien faire. Mr. Mac ? Oui. Vous le connaissez. C'est lui qui a acheté cette maison. Mr. Mac a acheté cette maison? Mais quels sont ses rapports avec la famille Polander? Eh, il est le fiancé de mademoiselle. Eh ben... Vous ne le saviez pas? Pas du tout. Voulez-vous bien me conduire jusqu'à Monsieur Polander? Je ne retrouve plus mon chemin tout seul dans cette maison. Je vous en prie. Mon cher Polander, je vous remercie d'avoir ouvert cette bouteille. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais... Où avez-vous laissé Clara? J'aurais quelque chose à vous demander. Mais il ne faut surtout pas que vous le preniez mal. Venez. Approchez. Vous sentez-vous pas plus libre ici, à la campagne, qu'en ville? Mais pourquoi t'attire-t-il entre ses jambes? Vous vous sentez bien ici, chez nous, n'est-ce pas? Je vous prie de me laisser rentrer chez moi. Ça, alors? Bien sûr. Demain matin. Maintenant. Mon oncle ne m'a pas vraiment donné la permission de venir. Et quelque part, j'ai abusé de son amour pour moi. Tant que mes études d'anglais ne sont pas terminées et que mon expérience du monde du commerce reste médiocre, je dois compter sur la bonne volonté de mon oncle. En Europe, j'ai été un mauvais élève et puis, d'un seul coup, j'ai été arraché du lycée pour être expédié en Amérique. Et en effet, tout ce que j'ai retenu de mes études européennes n'est certainement pas suffisant ici en Amérique. Et j'évoque tout cela pour vous montrer combien je dois à mon oncle et pourquoi je dois rentrer chez lui, tout de suite. Eh bien... Pourquoi il te tient aussi fort, Polander? Vous n'auriez pas quelque chose à lui dire, Green? À lui dire? Je ne vois pas quoi. Je trouve cela très louable qu'il souhaite rentrer chez son oncle. Très bien. À moins que... À moins que? À moins que son oncle ne soit déjà fâché de façon définitive. Difficile de savoir ce qui se passe à des kilomètres d'ici, à New York City. Qu'est-ce qu'il cache, ce Green? Venez avec moi un instant. « Cher Mr. Rossman, je n'ai pas l'intention de vous retenir ici contre votre gré. Je ne pourrais pas mettre ma limousine à votre disposition, car le chauffeur est rentré chez lui et il ne revient pas avant demain matin. Je peux vous accompagner à la gare maintenant, ou alors vous restez ici cette nuit et demain de bonne heure, nous partirons ensemble avec la limousine. »« Je préfère prendre le train ce soir, mais je ne veux pas que vous m'accompagniez. Indiquez-moi le chemin et je me débrouillerai. »« Pas si sûr. » Vous devriez d'abord prendre congé de mademoiselle Clara. Oui, il le faut. Faites-le. Cela collera bien avec mon emploi du temps. Votre emploi du temps? Effectivement, Rossman. Avant que vous ne nous quittiez, j'aurais une commission à vous transmettre qui risque d'avoir des répercussions sur le désir que vous avez de retourner chez votre oncle. Seulement, je suis contraint, hélas, de ne vous en rien révéler avant le premier coup de minuit. Je suis le premier désolé par cette consigne, parce qu'elle vient déranger mon repos nocturne, mais je m'y tiendrai quand même. Il est maintenant 11h15, ce qui vous laisse assez de temps pour passer un petit moment tranquille en compagnie de mademoiselle Clara. À minuit pile, vous vous présenterez devant moi pour apprendre ce que vous devez savoir. Vous venez bien tard. Elle recommence avec son « vous ». J'allais me coucher, il est 11h30. 11h30 déjà? Il faut que je fasse demi-tour, à minuit pile je dois être de nouveau dans la salle à manger. Avant de repartir, vous allez jouer du piano comme vous me l'avez promis. Mais il est trop tard pour cela. Oui, il est tard. Et le moindre bruit résonne dans toute la maison. Si vous jouez, vous allez réveiller tous les domestiques dans les mansardes. Alors je renonce. Un de ces jours, vous pourrez me rendre visite chez mon oncle. Là, j'ai un piano magnifique qu'il m'a offert. En plus, mon oncle va bientôt engager pour moi un professeur très célèbre. Et... Pour être honnête, je suis ravi de ne pas jouer pour vous ce soir parce que je ne sais que bien peu de musique pour le moment. Là-dessus, permettez-moi de prendre congé de vous. Après tout, il est déjà l'heure de dormir. Chez moi, on a coutume de dire « dors bien et fais de beaux rêves ». Attendez, peut-être devriez-vous quand même me jouer quelque chose. Mais il est minuit moins le quart et je dois descendre. Vous voulez des partitions? Je n'arrive pas à lire les partitions, je joue par cœur. Allez. Qu'est-ce que je dois jouer? Chanson militaire. Quelqu'un d'autre qui écoute? Carl Rossman! Carl Rossman! Mac, Salut, Rossmann. Vous jouez du piano aussi bien que vous montez à cheval. Et le voilà qui se glisse en pyjama dans le lit de Clara. Si j'avais su que vous écoutiez, je n'aurais pas joué. J'en étais sûre. C'est pour cela que Clara a été obligée de vous faire venir de New York. Sinon, je n'aurais jamais eu l'occasion de vous entendre jouer. Vous le faites en vrai débutant. Même dans ces chansons que vous avez étudiées, et qui sont d'une facture très primitive, vous avez commis quelques fautes. Mais en dehors de ces considérations, j'ai été très heureux de vous entendre. Ne voulez-vous pas vous asseoir et rester un moment près de nous ? Clara, donne-lui un siège. Minuit. File. Je vous remercie. Je ne puis rester. Quelque plaisir que j'en aurai. Me voici, Mr. Green. Alors, Rossmann, pourquoi me faire attendre ? Vous deviez être de retour au premier coup de minuit, et là, il est minuit passé de 4 minutes. Qu'est-ce que vous fabriquiez là-haut chez Mademoiselle Clara ? Je suis là maintenant. Mais vous n'avez pas tenu votre parole. Je vous ai promis quelque chose d'intéressant sur le coup de minuit, et vous vous traînez là-haut. Tenez, une lettre pour vous. À remettre en main propre à Karl Rossmann à minuit, où qu'il se trouve. C'est de mon oncle. Je m'y attendais. Que vous vous y attendiez ou non me laisse totalement indifférent, jeune homme. Mon très cher neveu. Très cher ? Ça promet ? Tais-toi ! Comme tu le sais, je suis un homme de principe. Je suis l'homme que je suis grâce à ces principes. Et personne sur cette terre n'a le droit d'exiger de moi que j'y renonce. Donc, je me trouve contraint, après les choses désobligeantes qui sont survenues aujourd'hui, de me séparer de toi. Et je t'interdis désormais d'essayer d'entrer en contact avec moi par lettre ou par la voie d'intermédiaire. Contre ma volonté, tu as décidé de t'éloigner de moi ce soir. Eh bien, va et assume cette décision pour le restant de ta vie. J'ai choisi comme émissaire pour te remettre cette lettre mon meilleur ami, Mr. Green, parce que je sais qu'il saura trouver pour toi des mots de réconfort, que pour ma part je suis incapable de t'accorder. Il peut être pour toi un excellent guide et soutiendra tes premiers pas sur ton chemin en solitaire. Pour conclure, je suis obligé de te dire qu'il ne sort rien de bon de ta famille. Avec mes meilleurs vœux pour la suite de ton existence, ton oncle dévoué et loyal, Jacob. Terminé ? Il me semble. Je suis chargé par la suite de vous rendre la valise et le parapluie que vous avez inconsciemment laissé sur le navire dans le port de New York. C'est un certain Choubal, un Roumain, qui les a récupérés pour vous. Et vous devriez, à l'occasion, le remercier. Merci. Allez, on y va. Monsieur, je vais partir de cette maison. Parce que j'ai été reçu ici en tant que neveu de mon oncle. En tant qu'inconnu que je suis devenu, je n'y ai plus ma place. Je vous demande simplement de m'indiquer le chemin. Un instant encore. Comme vous n'avez apparemment pas un deuxième oncle d'Amérique, je vous offre un billet de train 3e classe pour San Francisco. Il vous faut partir loin afin d'éviter qu'un beau jour, vous et votre cher oncle, vous ne vous rencontriez. Eh bien, Mr. Green, tout comme Herr Franz Kafka, résident de Prague, sont convaincus que San Francisco se trouve dans la partie est des États-Unis. De toute façon, Karl Rossmann ne s'en préoccupe nullement. Il préfère marcher en direction de New York City. Mais à l'aller dans la limousine, il n'a prêté que très peu d'attention au chemin et tous ces détails qui maintenant lui seraient très utiles, lui manquent. En même temps, il se rend compte que plus rien ne l'oblige à aller à New York où personne ne l'attend et, pour être plus précis, où une certaine personne ne l'attend certainement pas. Il choisit donc une direction quelconque et se met en chemin. L'Amérique, de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. 3e épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Vernon Dobchev, oncle Jacob, Fanny Touron, Clara, Thomas Agholz, Mac, Hervé Furic, Mr. Green, Alain Christie, Paul Under. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.